Alors, ceci, je le classe dans les errances parce que, d'abord, ça l'a fait bouger considérablement la figure paternelle, mais aussi inscrit ma réflexion naissante à travers les romans, à travers les lectures privilégiées qui ont toujours été pour moi Dostoïevski, Shakespeare. Bon. C'était aussi l'entrée du politique comme une exigence morale de compréhension du monde dans lequel j'étais et de moi-même situé dans ce monde. Si bien que le politique qui apparaît très thématiquement, on le dira dans mes, surtout dans mes derniers écrits, était présent très très concrètement dans ma vie, j'oserais dire dans ma chair. Ricoeur est un homme de 1914, c'est-à-dire c'est toute cette génération qui a pris la violence de l'histoire dans les tranchées. Down if it's getting late. Va écrire beaucoup de choses progressivement sur le fait que le XXe siècle commence dans les tranchées en 14. Vous savez, il y a toute une réflexion en France, même chez les historiens, qui consiste à dire le XXe siècle il a commencé en 1914, parce que c'est là où on a pris la violence de l'histoire. Et on ne se rend pas compte des effets que ça a pu avoir. Mais je pense que le pacifisme de Ricoeur, il ne s'agit pas de le justifier ou de ne pas le justifier, il s'agit de comprendre qu'il est, il a un sens historique et personnel extrêmement profond. Oh, Le problème, c'est de répondre au nihilisme. Qu'est-ce que c'est que le nihilisme ? C'est qu'il n'y a plus de valeur de la valeur. C'est pas uniquement la mort de Dieu, c'est le fait qu'il n'y a plus de valeur de la valeur. Donc la question du philosophe aussi, c'est cette question-là, de réfléchir à aussi ce qui peut répondre sur le plan des valeurs. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become?

cette question de la filiation qui est problématique chez un orphelin comme lui. Donc, il y a eu là un sentiment de, à la fois de substitution de la souffrance corporelle par le texte et une échappée dans la culture. Et une volonté d'être présent à son temps, d'être extrêmement vigilant, clairvoyant, de discerner ce qui se passe et d'être... C'est aussi cette part chez lui chrétienne, de protestant très engagé, mais très engagé politiquement aussi. Didn't look exactly the same. I can't distinguish them. I know 2 months, June and July. June is in front of July, which is after June. I can't distinguish them. It's a matter of time. After June and July, everything will be fine. Il est vrai que pour Ricoeur, l'acte de lecture, Michael Fessel, que ce soit d'ailleurs la lecture de la philosophie pour elle-même, mais aussi la lecture des romans, la lecture de la poésie, la lecture de l'histoire, l'acte de lecture n'est pas simplement instrumental. Je veux dire, on ne lit pas simplement pour lui, au sens où on s'instruit pour ensuite retrouver en quelque sorte le monde. En réalité, la lecture pour lui est constitutive de l'identité subjective. Et par lecture, il ne faut d'ailleurs pas seulement entendre la lecture des textes, mais aussi l'interprétation des signes que l'expérience nous donne. Autrement dit, l'identité narrative, pour Ricoeur, cela signifie que cette identité, elle est liée à la capacité qu'a un sujet, d'une part, à se constituer lui-même au travers des interprétations ou des lectures qu'il fait, et d'autre part, et c'est le point le plus important, l'identité du sujet n'est pas donnée d'emblée, c'est pas quelque chose, c'est pas, si vous voulez, il y a une critique constante chez Ricoeur du cogito cartésien, je pense donc je suis, lui ça serait plutôt j'interprète donc je suis, ou je deviens d'ailleurs, mais le deuxième élément étant que le récit et le mode, là encore on retrouve le thème de l'imaginaire, la manière dont je me raconte, dont un sujet se raconte, est la meilleure expression, l'expression peut-être la plus adéquate, mais en même temps la plus fragile, parce qu'il n'y a jamais qu'un seul récit, la manière la plus adéquate de dire ma propre identité. L'identité du sujet, ce n'est pas une identité que le concept, ou que le savoir, ou que la science peuvent décréter ou définir, c'est une identité qui est toujours remise en cause par, ou élaborée d'abord, puis remise en cause par la pluralité des récits. passer. Back to the wall. lui, Ricoeur oppose ce qu'il appelle l'identité idem. Là, le modèle, c'est le caractère. Je suis toujours identique à moi-même, par-delà les transformations du temps ou les accidents de la vie. Et puis, ce qu'il appelle l'identité ipsée, l'ipséité, c'est-à-dire une identité qui n'est pas, dont le modèle est la promesse. C'est plus le caractère, je ne change pas en dépit des altérations du temps, mais je me tiens, comme celui qui promet, s'engage à être demain à la hauteur de ce qu'il a promis aujourd'hui. Donc évidemment, cet engagement à travers la promesse, qui n'est qu'un symbole pour exprimer l'identité de narrative, cet engagement est un engagement qui renvoie plus à la liberté du sujet qu'à une espèce de substance qui resterait identique à elle-même. Donc l'identité narrative, de ce point de vue, c'est une identité effectivement mouvante en quelque sorte, évolutive, même si c'est évidemment paradoxal de parler d'une identité évolutive, mais elle est évolutive tout simplement parce qu'elle est prise dans le temps, et que pour Ricoeur, le temps n'est pas quelque chose de de secondaire, comme dans la tradition métaphysique, où on peut dépasser en quelque sorte le temps pour retrouver l'éternité par le monde, dans le monde des idées par exemple. Le temps est véritablement le constitutif de la condition humaine, et il reprend très souvent cette sagesse grecque, déjà Aristote disait, le sens d'une vie ne pourra être défini qu'à la mort du sujet. C'est-à-dire que jusqu'au dernier instant de vie, tout du moins, une identité n'est pas fixée, elle demeure à la charge de celui qui non seulement vit sa vie, mais la raconte. Il n'y a pas un concept, il y a des concepts. Il y a des concepts, notamment, par exemple, le concept du soi, qui va correspondre d'ailleurs avec un livre, soi-même comme un autre. Le concept du soi est majeur dans le rapport, justement, du moi à l'autre. Or, l'actualité d'un Ricoeur, c'est, et je... redis là ce que je disais au départ, de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est de dire non, c'est le moi et l'autre, c'est le moi et la structure, c'est ce double pôle qu'il faut tenir. Le soi, c'est la traversée du moi, du même, de la même-té dans le temps et dans la rencontre avec l'autre. C'est un moi qui s'altère, qui se transforme par sa traversée du temps et sa traversée de la rencontre avec l'autre qui est l'altérité. Donc dans ce parcours, le soi n'est plus le moi, mais c'est donc une dialectique entre les deux, entre le moi et l'autre.

quatre chemins. L'oiseau hegélien, puisque Hegel dit à la fin de la préface de la philosophie du droit que la philosophie, c'est la chouette de Minerve qui se lève au coucher du soleil, voulant dire par là que le philosophe comme tel n'est pas prophète. Il ne fait que engranger le sens qui est déjà advenu, rassemblé derrière lui, et c'est lorsque dit Hegel, n'est-ce pas, une période, c'est sur le point d'être close, que le philosophe peut peindre gris sur gris, et donc il est plutôt l'homme du révolu que l'homme de l'espérance. Mais enfin, c'est une contradiction qu'il faut vivre. Je pense qu'effectivement, la réflexion philosophique comme telle n'est pas prophétique. Elle est comment dirais-je, elle rassemble du sens déjà là. Et en sens, on pourrait la dire traditionnel, si on entend par tradition, l'accumulation d'héritages qui font sens. Et alors, à nous, après ça, de les projeter par l'action, les engagements vers le futur, mais alors ça, c'est la pratique de la vie. So restless. so restless. So restless. It's really all a game. In the house.